watching yourself. Body as well, mind. Okay? Body, mind, also other than. Kaya means body. Okay? Chaita means mind. We, everybody, mind and body. Every living being, right? Human being, right? During meditation, have you got pain? Have you got pain? Yes. Mm-hmm. Sometimes, got feeling also, right? Yes. Feeling, virana means feeling. Or sensation. We, everybody, have mind and body, therefore, sense here. We are sensual being. We are sensual being. For that, we get sense, right? Sometimes good, sometimes bad. Dhamma means, yes, wise vision of these mind and body. Dhamma, nature, Dhamma means nature. Nature of this mind and body, why see? Nous allons pratiquer Anupassana ou encore Vipassana. Nous allons observer à fond, de façon pénétrante et sans interruption, les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Autrement dit, nous allons observer attentivement notre corps et notre esprit, ainsi que d'autres catégories d'objets. Il y a quatre catégories d'objets à observer. La première de ces quatre catégories, c'est Kaya, le corps physique. Nous avons tous un corps et un esprit. Tous les êtres vivants ont donc un corps, et c'est ce corps que nous allons observer. Tous les êtres vivants ont également un esprit. En pali, on parle de citta. Nous avons tous également des sensations, des ressentis. Ces ressentis seront parfois agréables, parfois désagréables, parfois neutres. En pali, on parle de vedana, les ressentis. Et enfin, il y a les dhammas. Ce sont tous ces phénomènes qui nous constituent et qui devront être vus selon leur véritable nature. C'est la claire compréhension. La première catégorie, c'est donc Kaya, le corps physique. Nous allons devoir observer toutes les activités du corps physique. Tous les mouvements du corps devront être observés. Dans Vipassana, il n'y a pas que les mouvements de l'abdomen. Toutes les activités corporelles sont des objets d'attention. Par exemple, lorsque vous arrivez dans la salle de méditation, vous ne devez pas vous asseoir de façon inconsciente. Vous devez le faire très lentement en étant attentif à tous les mouvements. Et là, à la fin de la méditation assise, lorsque vous allez passer à la posture debout, vous devrez là aussi le faire très lentement en étant attentif à tous les mouvements. Et si au cours de la méditation assise, il vous arrive de bouger le corps, de bouger les mains, vous devez le faire avec attention également. Vous allez observer les mouvements de l'abdomen sans interruption, de façon pénétrante. Et ceux qui ont des problèmes avec l'abdomen peuvent observer au niveau du nez. Là aussi, c'est une fonction du corps et ils devront donc observer attentivement les inspirations et les expirations. Lorsque vous irez prendre votre repas, vous devrez là aussi observer attentivement toutes les activités du corps. À commencer par le mouvement de la marche lorsque vous vous rendez au réfectoire. Vous devrez ensuite observer tous les mouvements, si minimes soient-ils, que vous effectuez au moment où vous mangez. Avancer le bras, ramasser la nourriture, la porter à la bouche, mâcher, avaler, tout cela doit être fait avec beaucoup d'attention. Pour pouvoir observer attentivement toutes ces activités corporelles, il faudra que vous ralentissiez votre allure, sans quoi vous ne pourrez pas y arriver. En retraite, lorsque vous prenez votre repas, vous devez le faire avec attention. Ce n'est pas comme au restaurant où vous pouvez manger sans être attentif. C'est la signification de Anupassana. Le Bouddha explique comment le méditant doit observer lorsqu'il pratique Vipassana. Il parle de trois facteurs: Sati, l'attention, Sampajana, la claire compréhension, et Satima, l'attention. Il parle de Sati, l'attention, de Viriya, l'effort, et de Sampajana, la claire compréhension. Ceci veut dire qu'au moment où il observe, le méditant doit fournir un effort, atapa ou viriya, il doit être attentif, satima, et il doit comprendre clairement. Qu'est-ce que cela veut dire? Au moment où nous observons les mouvements de l'abdomen, nous le faisons très attentivement et nous pourrons constater tôt ou tard qu'il y a une poussée de l'air qui va amener le mouvement. Et lorsque nous observerons le mouvement d'abaissement, nous pourrons constater la même chose. Il y a une poussée de l'air qui amène le mouvement ou la vibration. Expérimenter tout cela, voir tout cela dans son propre corps, c'est comprendre. Nous devrons nous comporter comme les policiers à l'aéroport. La police devra vérifier, contrôler tous les passagers. Ils devront tous y passer. Ils ne pourront en manquer aucun. Vous êtes comme ce policier qui contrôle tous les passagers. Les processus physiques et mentaux que vous observez ainsi sont comme les passagers. Ils devront tous être contrôlés, être notés. Aucun processus ne pourra passer inaperçu. Vous devrez tous les noter. Tous les processus devront être observés. C'est le travail du méditant. Et il ne suffira pas de le faire une fois, deux fois, trois fois. Il faudra le faire sans interruption. Nous avons cinq sens physiques, cinq portes sensorielles physiques. L'œil, l'oreille, le nez, la bouche et le corps. Tout ce qui pénètre en nous par l'un ou l'autre de ces cinq sens devrait être observé. Imaginons par exemple qu'au cours de notre méditation assise, nous voyons quelque chose en imagination. Il faudra en prendre conscience à l'instant même où cette imagination se manifeste. On note « imaginez, imaginez » et on revient tout de suite à l'abdomen sans réagir. Et c'est la même chose pour les sons, les bruits. Imaginons, par exemple, que vous entendiez un bruit au cours de votre méditation assise. Quel que soit le bruit, celui d'une voiture, celui de l'horloge ou n'importe quel autre bruit, vous devez simplement prendre conscience que vous êtes en train d'entendre. Vous répétez mentalement « entendre, entendre ». Vous ne vous occupez pas du contenu de ce bruit. Vous ne vous mettez pas à y réfléchir. Vous revenez tout de suite à l'abdomen sans vous laisser distraire. Pour les odeurs, c'est la même chose. Vous allez sentir toutes sortes d'odeurs, surtout au moment du repas. C'est particulièrement difficile à ce moment-là. Vous avez faim, vous sentez toutes ces bonnes odeurs et vous allez vous servir sans être attentif. Il faut donc faire particulièrement attention au moment du repas. Cette qualité d'attention, c'est Anupassana. Vous notez très attentivement tout ce qui se manifeste à chaque instant. Voyons maintenant la deuxième catégorie, la deuxième base de l'attention, les sensations, les ressentis. Il y aura parfois des ressentis agréables, parfois vous aurez des ressentis désagréables, parfois ils seront neutres ou normaux. Si vous observez ces ressentis, vous pratiquez Vedananupassana. Au début, ce sont surtout les sensations désagréables qui vont se manifester. mais votre concentration va petit à petit se développer et tôt ou tard, vous allez expérimenter des sensations agréables. Vous allez alors observer attentivement ces sensations agréables et forcément, tout naturellement, l'attachement pour ces sensations agréables va se manifester. Mais ce n'est pas la bonne attitude lorsqu'on pratique la contemplation des ressentis, des sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, normales, il faut les observer avec équanimité, sans développer ni l'aversion pour le désagréable, ni l'attachement pour l'agréable. Vous devez vous comporter comme ce policier à l'aéroport qui contrôle tous les passagers. Si un passager particulièrement beau se manifeste, il ne s'en occupe pas. Si un passager particulièrement laid se manifeste, il ne s'en occupe pas. Il se contente de checker, de contrôler. Ou alors, comme ce médecin, qui parfois aura des patients beaux, parfois des patients laids. Il ne s'occupe pas de cet aspect des choses. Il se contente de les soigner, tout simplement parce que ce sont des patients. Voyons maintenant la troisième base, Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Après quelque temps de pratique, il est inévitable que vous commenciez à ressentir des sensations désagréables. Et elles vont vous déranger. Voyez alors ce qui se passe dans votre esprit. Il est possible qu'il y ait de l'aversion pour cette sensation désagréable, ou bien du désir d'en avoir une autre, d'un autre type, comme une sensation agréable par exemple. L'esprit est extrêmement sensible et réagit à toutes ces sensations. Si vous pratiquez ainsi et que vous notez la colère lorsqu'elle est présente en vous, le désir ou l'attachement lorsqu'il est présent en vous, vous pratiquez Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Lorsqu'on pratique Vipassana, il est indispensable de comprendre. Il ne suffit pas de noter simplement sans comprendre. L'esprit est très réactif à l'état naturel. Il est très sensible et réagit très rapidement. Il est comme cet enfant qui est indiscipliné, qui ne réussit pas à se maintenir calmement, il est toujours en quête de nouveaux objets pour s'amuser. Un esprit sauvage est très dangereux, plus dangereux qu'un animal sauvage. Nous devrons réussir à le dompter. Comment allons-nous réussir à dompter cet esprit sauvage? Par la méditation. Nous allons essayer de maintenir l'esprit sur les mouvements de l'abdomen. Nous allons essayer de maintenir notre attention fixée sur les mouvements de l'abdomen ou éventuellement les inspirations et les expirations au niveau des narines. Mais l'esprit n'aime pas rester fixé sur un seul objet. Il va donc falloir constamment le ramener sur l'abdomen parce qu'il a tendance à vagabonder. Nous pourrons cependant constater que s'il y a des sensations désagréables, la méditation est très bonne. Car ces sensations sont très claires et elles attirent l'esprit. L'esprit va donc se maintenir sur la sensation désagréable très naturellement. Et en conséquence, nous n'allons pas interrompre l'attention. Nous devrions donc idéalement nous réjouir d'avoir des sensations désagréables. La sensation désagréable devrait idéalement devenir notre amie. Nous allons donc observer non seulement les mouvements de l'abdomen, mais tout ce qui se passe à chaque instant à l'intérieur de nous. Nous allons notamment observer les sensations désagréables de façon très pénétrante. Et nous verrons que cette sensation n'en finit pas de changer. Parfois elle s'intensifie, parfois elle diminue d'intensité, elle se déplace, elle se transforme. Voir tout cela, c'est voir la nature de la sensation, c'est comprendre. Pratiquer Vipassana, c'est s'observer soi-même. Nous allons observer attentivement le corps physique, les ressentis et l'esprit. Kaya, Vedana et citta. Et nous le faisons dans le but de comprendre la véritable nature de ces processus qui nous constituent. Nous allons observer par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous observons le mouvement de soulèvement très attentivement, sans discontinuer, et nous pourrons constater que ce mouvement se termine après avoir débuté. Lorsque nous observerons le mouvement d'abaissement, nous pourrons voir que là aussi, il y a un début et une fin. Ces mouvements ne durent pas. Vous poursuivez votre observation, votre concentration se développe, et tôt ou tard, vous verrez que ce mouvement n'est pas d'une seule pièce. Il est fait en réalité d'une succession de petits mouvements qui sont tous séparés l'un de l'autre. Et il n'y a pas d'espace entre ces différents mouvements. C'est un peu comme la lumière. Vous pensez qu'elle est continue, mais en réalité, elle est discontinue. Elle est faite de moments de lumière qui se succèdent extrêmement rapidement. Comme il n'y a pas d'espace entre les moments de lumière, on pense, on croit qu'il s'agit d'une lumière continue. Et vous allez observer également d'autres objets, comme par exemple les sensations désagréables. Vous allez le faire de façon très pénétrante. C'est la signification de Anupassana. Le but de Vipassana, c'est donc la compréhension. Nous devons comprendre le fonctionnement de ces processus physiques et mentaux. Nous allons les observer très attentivement et nous verrons qu'ils sont tous impermanents, extrêmement transitoires. Ils changent constamment de forme. Parfois, ce seront des pressions. Parfois, ce seront des brûlures, parfois des vibrations. Nous allons ainsi développer la compréhension correcte de ces processus. Nous comprendrons qu'ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Ils changent constamment. Tous ces changements, c'est anicca en pali, l'impermanence. Nous allons également comprendre que ces choses se manifestent d'elles-mêmes, automatiquement. Nous ne pouvons rien y faire. Elles sont incontrôlables. Ceci se dit en pali, anatta. Et enfin, nous allons comprendre que tout cela nous fait souffrir. C'est dukkha en pali. Nous allons donc expérimenter anicca, dukkha et anatta. C'est dans ce but que nous pratiquons la méditation. Comprendre la véritable nature du corps et de l'esprit. Comment allons-nous réussir à comprendre? Nous allons y arriver en méditant et en méditant encore. Vous allez donc observer de cette façon, de façon pénétrante. Vous allez développer la compréhension de votre propre corps et de votre propre esprit. On peut donc dire que vous allez comprendre en quoi consiste réellement la vie. Méditation Vipassana, c'est une recherche, une investigation à propos de soi-même. Un non-méditant pourrait penser que la vie n'est que bonheur. Mais vous, en tant que méditant Vipassana, vous apprenez à maintenir votre observation de façon très pénétrante. Et tôt ou tard, vous réussirez à comprendre en quoi consiste réellement la vie. Une question a été posée à propos de Dhammanupassana, la quatrième base de l'attention. Bhante n'en a pas parlé, tout simplement parce que cette quatrième base est impossible à pratiquer au début. Il faudra attendre que le méditant ait réussi à développer les trois premières bases pour pouvoir pratiquer cette quatrième base. Bhante va expliquer maintenant la marche attentive. Lorsqu'on pratique la marche attentive, on pratique en fait Kayanupassana, la contemplation du corps. Il est préférable de marcher pieds nus si c'est possible, surtout si vous êtes dans la salle de méditation. Vous pourrez beaucoup mieux sentir les sensations au niveau des pieds. Vous décomposez chaque pas en trois phases, lever, avancer, placer. Et vous ralentissez votre allure de façon à pouvoir observer en détail. Lorsque le pied va s'élever, il est possible que vous expérimentiez une sensation de légèreté. La légèreté est la manifestation de l'élémentaire. Lorsque vous poussez le pied vers l'avant, il est possible que vous voyiez, que vous expérimentiez que ce mouvement ne se fait pas d'une seule pièce. Il est fait d'un nombre incalculable de petits mouvements qui se succèdent jusqu'à la fin du processus. Commencez alors à comprendre la véritable nature de ce mouvement d'avancement du pied. Et lorsque vous allez abaisser votre pied, vous allez peut-être ressentir une sensation d'alourdissement progressif. Vous commencez ainsi à comprendre la véritable nature de la marche. Nous avons tous en nous les quatre grands éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Les qualités du feu, c'est la chaleur et le froid. Les qualités de l'élément air, c'est la dureté, la douceur. L'élément eau, c'est non seulement les liquidités dans le corps, mais également la cohésion et la fluidité. On peut donc dire que l'eau se retrouve partout, dans ce tableau, dans cette table, dans ces coussins. Vous pourriez croire qu'il n'y a pas d'eau dans ces objets, mais en fait l'eau est présente sous forme de cohésion. L'élément cohésion de l'eau permet de maintenir ces objets ensemble. L'élément air va nous permettre de nous maintenir en vie. Sans air, il est impossible de se maintenir en vie. Les qualités de l'élément air sont le support et le mouvement. L'air, c'est ce qui nous permet de nous maintenir dans la posture assise ou verticale. Vous pouvez observer l'élément air lorsque vous pratiquez en posture debout. Vous vous maintenez debout, immobile, pendant une dizaine de minutes. Après ce laps de temps, il est possible que vous commenciez à ressentir la lourdeur dans le corps. Vous allez alors passer à la marche, et ce qui permet à ce corps très lourd de se mettre en mouvement, c'est l'élément air. Le feu sera également présent et va contribuer au mouvement. C'est un petit peu comme un avion, il est propulsé par l'élément feu. Au moment où nous pratiquons la marche attentive, il faut donc observer attentivement et comprendre le véritable fonctionnement de toutes ces choses. Comprendre le fonctionnement des éléments, c'est le but de la marche. Si au moment de la marche, vous observez de cette façon, vous allez comprendre que toutes ces choses sont extrêmement transitoires, impermanentes. Vous comprendrez qu'il n'y a personne qui contrôle ces choses, elles se manifestent d'elles-mêmes automatiquement parce que les causes pour le mouvement sont rassemblées. Vous essayez d'observer les éléments et leur fonctionnement à l'intérieur de votre propre corps. Cette méditation sur les éléments appartient à la section de Kayanupassana, la contemplation du corps. Au moment où vous pratiquez la marche attentive, vous allez peut-être ressentir de la dureté au moment où votre pied prend appui sur le sol, ou au contraire de la douceur. C'est la manifestation de l'élément terre. Il est possible que vous ressentiez du froid ou de la chaleur, c'est l'élément feu. Et lorsque vous vous tiendrez debout, il est possible que par moments vous ayez l'impression que votre corps est en déséquilibre, qu'il bouge. Vous expérimentez alors l'élément air. Et si c'est de la fluidité que vous expérimentez à l'intérieur du corps, vous expérimentez l'élément eau. Ainsi, vous observez les quatre grands éléments. Vous commencez à comprendre la véritable nature de ce corps. Vous commencez à comprendre en quoi consiste réellement votre corps. C'est une compréhension expérimentale, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Cette compréhension directe à l'intérieur de soi est appelée sagesse. Vous voyez, vous comprenez que tous ces éléments à l'intérieur de vous sont anicca, transitoires, impermanents, qu'ils sont incontrôlables, anatta, et qu'ils sont souffrance, intrinsèquement souffrance, dukkha. For studying in 19 minutes, without pleasure, without music. Sadhu. Sadhu.